Kushikushikushikusha, vetade yotipa wolo, yowa isepa di kuyola, yotikelpa talikola. Kushikushikushikusha, vetade yobepa wala, yowa isepa le fwase, yotikela perase, lelite pale latin, yotikela fetete. Madre. Madre. C'est Jean-Paul. Chup. Chup. C'est Jean-Paul. Oh, oh. Et pas pour ça que je me mouille. C'est Jean-Paul. Et pas la neige. Moi-même parler latin, parler chinois.